trash, puis bras. Je crois qu'ils sont tous partis, mais moi je peux pas dormir. Pas tout de suite. J'ai coupé le stream, éteint les lumières. Mais dans mon crâne ça joue encore clair. Le groove sais-tu, les alertes sont mortes, mais la vibe cogne toujours aux portes. Ride skill dans le noir, guitare usée. Je gratte pour personne, mais je dois chanter. Les doigts sales, la voix brisée, le cœur encore branché sur le dernier ray. Soft footstep, explique booze on string. Soft footstep, explique booze on string. Last loop before bed. One call, one thread. Les fidèles sont loin, mais je suis encore en scène. Je vois vos pseudos comme des ombres au mur. Certains m'ont suivi sans faire de détour. Je pense au drop, au fight, au moment de grâce. Mais là je suis seul et ça m'embrasse. Ride skill sans décor, sans stream. Juste du bois des cordes et le spleen. Si t'entends ça, t'es l'un des miens. T'as pas coupé, t'es resté jusqu'à la fin. Wood Creek distant night one. It's Wood Creek distant night one. Last loop before bed. Sound of ghost in my head. One last note, one last scene. I fade out behind the screen. Deep exhale, merci d'être resté. À demain ou jamais. Radiskill, Orly, mais vivant.